بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معنا اليوم الدرس 43 في شرح أصول الإيمان aujourd'hui le cours numéro 43 dans l'explication de أصول الإيمان للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'auteur qui nous dit, rahmatullahi alayhi, an ibn Mas'udin, radiyallahu anhu, anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam aqal, daraballahu mathalan siratan mustaqiman, wa ala jambayi sirat suran, fihima abwabun mufattaha, wa ala al-abwabi suturun murkha, وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإن فتحته تلجه. Selon Ibn Mas'ud, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a montré une parabole, siratan mustaqiman, une voie de rectitude, une voie dans toute sa rectitude, et des deux côtés de cette voie, il y a deux murs. De chaque côté de cette voie, il y a deux murs. Donc il y a, excusez-moi, donc des deux côtés de cette voie, il y a deux murs. Donc un mur de chaque côté. Et sur ces deux murs, il y a des portes ouvertes. Sur ces deux murs, il y a des portes ouvertes. Sur chacune de ces portes, il y a des voiles qui sont rabattues. Il y a des voiles qui sont rabattues sur chacune de ces portes. Et il y a au bout de cette voie, un appeleur. Quelqu'un qui appelle les gens et qui dit « Suivez fermement la voie, istaqimu ala sirat, restez fermement sur ce sirat, sur cette voie, et ne déviez pas, wala ta'awajhu, ne déviez pas, que ce soit à droite ou à gauche, restez fermement sur cette voie. » Et il y a certes, donc, au-dessus de celui-ci, un autre appeleur qui appelle à chaque fois qu'il voit un serviteur qui s'apprête à ouvrir une de ses portes et donc à soulever un de ses rideaux. À chaque fois qu'il voit quelqu'un qui s'apprête à ouvrir une de ses portes, il l'appelle « Weihak, prends garde à toi, prends garde à toi. La taftahu, n'ouvre pas cette porte, ne l'ouvre pas, car si tu l'ouvres, tu y rentreras. » Si tu l'ouvres, tu y rentreras. Thumma fassarahu fa akhbara anna as-sirat huwa al-islam. Ensuite, il l'a expliqué, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué sa parole et il nous dit que as-sirat, la voie, c'est l'islam. Wa anna al-abwab al-mufattaha maharimullah. Et que ces portes, les portes qui sont ouvertes, ce sont les interdits d'Allah. Wa anna as-sutur al-murkha hududullah. Et que certes, les voiles qui sont rabattues sur ces portes, ce sont les limites qu'Allah a placées. Ce sont les limites qu'Allah tabaraka wa ta'ala a placées. Wa anna ad-da'i ala ra'si sirat huwa al-Qur'an. Et que certes, celui qui appelle au bout de la voie, c'est le Qur'an. Wa anna ad-da'i min fawqihi huwa wa'idullahi fi qalbi kulli mu'min. Et celui qui appelle, qui est au-dessus du premier, c'est donc l'exhorteur d'Allah qui est dans le cœur de tout croyant. Ensuite, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, il nous dit rawahu Razin wa kadhalika rawahu Ahmed wa at-Tirmidhi an an-Nawas ibn Sam'an nahwahu. Et donc, il nous dit, le hadith a été rapporté donc, par Razin, dans son recueil, c'est un recueil qui a été perdu. Ainsi que l'imam Ahmed et At-Tirmidhi, sauf que l'imam Ahmed et At-Tirmidhi l'ont rapporté selon la narration de An-Nawas ibn Sam'an, pas de Ibn Mas'ud, radiallahu anhumah. وهذا الحديث أيها الإخوة صحيح صحيح عن النواس. Ce hadith il est authentique, les savants l'ont jugé authentique, la narration qu'a rapporté donc النواس ابن سمعان. والصراط المستقيم هو المنهج الموصل إلى الجنة. Et donc الصراط المستقيم, la voie de rectitude, c'est le manhaj, c'est la voie qui nous permet de ramener, d'accéder au paradis. من سلكه وتمسك به أوصله إلى رضوان رب العالمين. Celui qui suit cette voie et qui s'accroche à celle-ci, alors celle-ci l'emmènera, lui permettra d'atteindre l'agrément du Seigneur de l'univers, Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh. Ceci est ma voie dans toute sa rectitude. Alors suivez-la. Il nous a ordonné, tabaraka wa ta'ala, de suivre cette voie. Wa hadha al-manhaj alladhi yajibu alayna ittiba'uhu huwa al-islam kama bayyanahu wa fassarahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-hadith. Et ce manhaj, cette voie qu'il nous est obligatoire de suivre, c'est l'islam, comme l'a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعوجاج. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit de dévier de cette voie. Il a interdit de dévier de cette voie à droite, à gauche. Nous devons aller tout droit, oh chers frères. Restez fermes sur cette voie de rectitude. إذن علينا بالجدة. Et donc nous devons suivre fermement cette voie. Nous devons rester fermes sur cette voie. فَإِنَّ الْأَمْرَ مُهِمٌ. Car le sujet est important. الْمَسْأَلَ مَسْأَلَ جَنَّةَ أَوْ نَارٌ. Le sujet, c'est un sujet de paradis ou d'enfer. C'est pas un sujet de salaire ou pas salaire, un sujet de travail ou chômage, un sujet de manger ou pas manger. C'est un sujet de paradis ou d'enfer. Et donc, c'est un sujet très très important à ne pas négliger. Wad-da'i ala ra's as-sirat alladhi yaqulu istaqimu ala as-sirat wa la ta'wajju huwa al-Qur'an. Et donc celui qui appelle au bout de cette voie et qui dit restez ferme sur la voie et ne déviez pas, c'est le Coran, comme l'a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالقرآن فيه بيان كل ما نحتاج إليه للفوز برضوان الله تبارك وتعالى. Et donc il y a dans le Coran tout ce dont nous avons besoin pour réussir à atteindre l'agrément d'Allah تبارك وتعالى. فمن تمسك بالقرآن هدي إلى صراط المستقيم. Alors celui qui s'accroche au Coran, il est guidé vers une voie de rectitude. Comme Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam » Allah, par celui-ci, par le Coran, il guide ceux qui ont suivi son agrément, il les guide vers les voies de rectitude. Il les guide vers les voies du salut. Subul as-salam, les voies du salut, le fait d'être sauvé du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumat ila an-nur bi'idni. Et il les fait sortir de l'obscurité vers la lumière par sa volonté. Wa yahdihim ila siratin mustaqim. Et il les guide vers la voie de rectitude. Et donc, nous devons nous efforcer de suivre le Coran afin de pouvoir être bien guidés. وعلى جنبي الصراط أبواب وعليها سطور مرخى. Et donc il y a des deux côtés de cette voie des portes sur lesquelles sont rabattues des voiles. هذه السطور Tourati hadil ebweb. Et donc, ces voiles, en fait, vont couvrir, vont cacher ces portes. Wahada yudakiruna bittazin. Et cela nous rappelle l'embellissement. Fait al-ibad la yarawna ma khalfa hadhihi as-sutur. Et donc les serviteurs, ils ne voient pas ce qu'il y a derrière les voiles. Ils ne voient pas. Fala yadruna khatara hadhihi al-abwab. Et donc les serviteurs ne savent pas, ne connaissent pas le danger de ces portes. Ils ne le connaissent pas. Et c'est pour cela que cela nous rappelle Iblis, Shaitan, lorsqu'il va embellir le faux. Lorsqu'il va embellir le faux. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, comme dans Sunan al-Darimi, selon Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui dit « Khattalana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawman khattan thumma kal hadha sabilullah » ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. Et donc Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qui nous dit dans Sunan al-Darimi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait sur le sol, et dans une autre narration, خط خطا مستقيما, Il a tracé un trait droit. Et ensuite, il a tracé et il a dit, ceci est la voie d'Allah. Et ensuite, des deux côtés de ce trait, à droite et à gauche, il a fait plusieurs traits. Et puis il a dit, ceci sont des voies. Et sur chacune de ces voies, il y a un diable qui appelle vers celle-ci. Idan علينا أيها الإخوة أن نحذر كل الحذر من هذه السبل التي تخالف أمر الله تبارك وتعالى. Et donc nous devons nous méfier de toutes ces voies, de toutes ces portes, aux chers frères, ces portes qui contiennent donc ce qui contredit l'ordre d'Allah تبارك وتعالى. وعلينا أن نحذر min talbis iblis. Et nous devons nous méfier, ô chers frères, donc des wasawis, du fait que Iblis, Shaitan, va embellir le faux. Il va embellir les péchés et les êtres humains qui se font piéger par ce djalb qui leur embellit ce qu'ils font. Ils font des péchés, ensuite ils embellissent leurs péchés. Ils pensent que donc, ah non, mais c'est pas si grave que ça. Ah mais de toute façon, ma'alich, il y a des gens qui font pire, etc. Et donc les péchés à chaque fois, ils sont embellis. Wa hadhihi al-abwab hiya hududullah tabaraka wa ta'ala. Comme bayyanahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi al-hadith. Et donc ces portes, en fait, du moins les voiles qu'il y a sur ces portes sont les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala, les limites qu'Allah tabaraka wa ta'ala a placées. فَمَنْ فَتَحَ الْبَابِ تَجَاوَزَ الْحَدِ. Celui donc qui ouvre cette porte, qui va retirer ce voile, il aura dépassé la limite qui lui a été donnée. Il aura donc désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit dans le hadith, إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ. Si tu l'ouvres, tu y rentreras. Et donc, à partir du moment où tu l'ouvres, tu as désobéi à Allah, tabaraka wa ta'ala. Rappelez-vous la parole d'Allah Azza wa Jal, tilka hududullah, fala ta'taduha. Voici les limites qu'Allah a placées, alors ne les transgressez pas. Allah tabaraka wa ta'ala aussi qui nous dit, wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu, yudkhilhu naran khalidan fiha. Celui qui désobéit à Allah et à son messager et qui transgresse les limites qu'Allah à placer, alors il le fait rentrer dans un feu éternel, dans un feu et dans lequel il y demeurera éternellement. Et donc nous devons prendre garde à toutes ces ambiguïtés, toutes ces turpitudes qu'il y a autour de nous, et nous devons nous accrocher fermement au Coran. Il y a un autre élément, un dernier élément qui est cité dans ce hadith, c'est que, et donc le Coran, il nous appelle à ce qui est bien, et il nous interdit, donc il nous empêche de faire ce qui est mal. Mais il y a aussi un autre élément qui a été cité, au-dessus de lui, un autre appeleur qui appelle chaque personne qui veut ouvrir une porte. Wayhak, prends garde à toi. Et quel est cet appeleur? Wa'idullahi fi kalbi kulli mu'min. Et donc, c'est l'exhorteur d'Allah qui est dans le cœur de tout croyant. Les savants nous disent hadha huwa al-iman. Al-iman alladhi fi kalbika. هو الذي يمنعك ويزجرك عن فعل ما حرمه الله تبارك وتعالى. La foi que tu as dans ton cœur, c'est celle-ci qui va t'empêcher et donc qui va mettre entre toi et la désobéissance à Allah تبارك وتعالى un voile. Et donc il est important qu'on fasse quoi, aux chers frères, qu'on renforce cette foi. Afin que cette foi, elle soit forte. Afin que cette foi, elle soit forte pour t'empêcher, justement, de tomber dans la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Comment renforcer cette foi? Les durus. Les assises de science que tout le monde fuit. Les assises de science. Les durus. Hein? La lecture du Coran, la méditation sur le Coran. C'est important. Les prières, les obligations, les actes surérogatoires. Tous ces éléments-là vont renforcer notre foi jusqu'à ce qu'on ait une foi qui soit forte, qui nous permette de dire « Non, je n'ouvre pas la porte. Non, je n'ouvre pas la porte. » Et donc, c'est important, chers frères, que nous fassions des efforts sur cela. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan.